du 4 juillet au 28 août 2015, été jeune. Page 24. Accueil de loisirs, animation jeunesse, séjour, stage, de 3 à 18 ans. Forum d'information, retrait des dossiers et inscription argent de poche, le mardi 12 mai 2015 de 17h à 19h, salle des mariages, à la mairie annexe de Château-Gontier-Bazouges. ville.châteaugontier.fr. Une image montre un groupe d'enfants et d'adolescents qui jouent dans et au bord de la piscine de Château-Gontier.